Chapitre 9. Une nouvelle. Le cercle polaire était enfin franchi. Le Forward passait le 30 avril, à midi, par le travers d'Holsteinborg. Des montagnes pittoresques s'élevaient dans l'horizon de l'est. La mer paraissait pour ainsi dire libre de glace, ou plutôt ces glaces pouvaient être facilement évitées. Le vent sauta dans le sud-est, et le brick sous sa misaine, sa brigantine, ses huniers et ses perroquets remonta la mer de Baffin. Cette journée fut particulièrement calme et l'équipage put prendre un peu de repos. De nombreux oiseaux nageaient et voltigeaient autour du navire. Le docteur remarqua entre autres des alcaalas presque semblables à la sarcelle, avec le cou, les ailes, le dos noir et la poitrine blanche. Ils plongeaient avec vivacité et leur immersion se prolongeait souvent au-delà de 40 secondes. Cette journée n'eût été marquée par aucun incident nouveau si le fait suivant, quelque extraordinaire qu'il paraisse, ne se fût produit à bord. Le matin, à 6 heures, en rentrant dans sa cabine après son quart, Richard Shandon trouva sur sa table une lettre avec cette suscription. « Au commandant Richard Shandon à bord du Forward, maire de Baffin. » Shandon ne put en croire ses yeux, mais, avant de prendre connaissance de cette étrange correspondance, il fit appeler le docteur, James Wall, le maître d'équipage, et leur montra cette lettre. « Cela devient particulier, » fit Johnson. « C'est charmant, » pensa le docteur. « Enfin, s'écria Shandon, nous connaîtrons donc ce secret. » D'une main rapide, il déchira l'enveloppe et lut ce qui suit. « Commandant, le capitaine du Forward est content du sang-froid, de l'habileté et du courage que vos hommes, vos officiers et vous, vous avez montré dans les dernières circonstances. Il vous prie d'en témoigner sa reconnaissance à l'équipage. Veuillez vous diriger droit au nord vers la baie Melville, et de là vous tenterez de pénétrer dans le détroit de Smith. Le capitaine du Forward, K.Z. Ce lundi 30 avril, par le travers du cap Walsingham. « Et c'est tout ? » s'écria le docteur. « C'est tout, » répondit Shandon. La lettre lui tomba des mains. « Eh bien, dit Wall, ce capitaine chimérique ne parle même plus de venir à bord. J'en conclus qu'il n'y viendra jamais. « Mais cette lettre, fit Johnson, comment est-elle arrivée ?» Shandon se taisait. « Monsieur Wall a raison, répondit le docteur, qui, ayant ramassé la lettre, la retournait dans tous les sens. Le capitaine ne viendra pas à bord par une excellente raison. Et laquelle ? Demanda vivement Shandon. « C'est qu'il y est déjà, » répondit simplement le docteur. « Déjà ? » s'écria Shandon. « Que voulez-vous dire ? Comment expliquer sans cela l'arrivée de cette lettre ?» Johnson hochait la tête en signe d'approbation. « Ce n'est pas possible, » fit Shandon avec énergie. « Je connais tous les hommes de l'équipage. Il faudrait donc supposer que ce capitaine se trouva parmi eux depuis le départ du navire. Ce n'est pas possible, vous dis-je. » Depuis plus de 2 ans, il n'en est pas un que je n'ai vu 100 fois à Liverpool. Votre supposition, docteur, est inadmissible. Alors qu'admettez-vous, Shandon? Tout excepté cela. J'admets que ce capitaine ou un homme à lui, que sais-je, a pu profiter de l'obscurité, du brouillard, de tout ce que vous voudrez, pour se glisser à bord. Nous ne sommes pas éloignés de la terre. Il y a des kayaks, des skimos qui passent inaperçus entre les glaçons. On peut donc être venu jusqu'au navire, avoir remis cette lettre. Le brouillard a été assez intense pour favoriser ce plan. Et pour empêcher de voir le brick, répondit le docteur. Si nous n'avons pas vu, nous, un intrus se glisser à bord, comment, lui, aurait-il pu découvrir le Forward au milieu du brouillard? C'est évident, fit Johnson. J'en reviens donc à mon hypothèse, dit le docteur. Qu'en pensez-vous, Shandon? Tout ce que vous voudrez, répondit Shandon avec feu, excepté la supposition que cet homme soit à mon bord. « Peut-être, ajouta Wall, se trouve-t-il dans l'équipage un homme à lui qui a reçu ses instructions ?»« Peut-être, fit le docteur. « Mais qui ? » demanda Shandon. « Je connais tous mes hommes, vous dis-je, depuis longtemps. » « En tout cas, reprit Johnson, si ce capitaine se présente, homme ou diable, on le recevra. Mais il y a un autre enseignement, ou plutôt un autre renseignement, à tirer de cette lettre. « Et lequel ? » demanda Shandon. C'est que nous devons nous diriger non seulement vers la baie Melville, mais encore dans le détroit de Smith. « Vous avez raison, » répondit le docteur. « Le détroit de Smith, » répliqua machinalement Richard Shandon. « Il est donc évident, » reprit Johnson, « que la destination du Forward n'est pas de rechercher le passage du Nord-Ouest, puisque nous laisserons sur notre gauche la seule entrée qui y conduise, c'est-à-dire le détroit de Lancastre. Voilà qui nous présage une navigation difficile dans des mers inconnues. Oui, le détroit de Smith, répondit Shandon, c'est la route que l'Américain Ken a suivie en 1853, et au prix de quel danger. Longtemps on l'a cru perdue sous ces latitudes effrayantes. Enfin, puisqu'il faut y aller, on ira. Mais jusqu'où? Est-ce au pôle? Eh, pourquoi pas? S'écria le docteur. La supposition de cette tentative insensée fit hausser les épaules au maître d'équipage. Enfin, reprit James Wall, pour en revenir au capitaine s'il existe, je ne vois guère sur la côte du Groenland que les établissements de Disko ou du Pernavik où ils puissent nous attendre. Dans quelques jours, nous saurons donc à quoi nous en tenir. Mais, demanda le docteur Shandon, n'allez-vous pas faire connaître cette lettre à l'équipage? Avec la permission du commandant, répondit Johnson, je n'en ferai rien. Et pourquoi cela? Demanda Shandon. Parce que tout cet extraordinaire, ce fantastique, est de nature à décourager nos hommes. Ils sont déjà fort inquiets sur le sort d'une expédition qui se présente ainsi. Or, si on les pousse dans le surnaturel, cela peut produire de fâcheux effets, et au moment critique, nous ne pourrions plus compter sur eux. Qu'en dites-vous, commandant? Et vous, docteur, qu'en pensez-vous? Demanda Shandon. Maître Johnson, répondit le docteur, me paraît sagement raisonné. Et vous, James? Sauf meilleur avis, répondit Wall, je me range à l'opinion de ces messieurs. Shandon se prit à réfléchir pendant quelques instants. Il relut attentivement la lettre. « Messieurs, dit-il, votre opinion est certainement fort bonne, mais je ne puis l'adopter. »« Et pourquoi cela, Shandon ? » demanda le docteur. « Parce que les instructions de cette lettre sont formelles. Elles commandent de porter à la connaissance de l'équipage les félicitations du capitaine. Or, jusqu'ici, j'ai toujours obéi aveuglément à ses ordres, de quelque façon qu'ils me fussent transmis, et je ne puis... » Cependant, reprit Johnson, qui redoutait justement l'effet de semblables communications sur l'esprit des matelots. « Mon brave Johnson, repartit Shandon, je comprends votre assistance. Vos raisons sont excellentes, mais lisez, il vous prie d'en témoigner sa reconnaissance à l'équipage. » Agissez donc en conséquence, reprit Johnson, qui était d'ailleurs un strict observateur de la discipline. « Faut-il rassembler l'équipage sur le pont ?»« Faites, répondit Shandon. » La nouvelle d'une communication du capitaine se répandit immédiatement à bord. Les matelots arrivèrent sans retard à leur poste de revue et le commandant lut à haute voix la lettre mystérieuse. Un morne silence accueillit cette lecture. L'équipage se prépara en proie à mille suppositions. Clifton eut de quoi se livrer à toutes les divagations de son imagination superstitieuse. La part qu'il attribua dans cet événement à Doc Captain fut considérable. Et il ne manqua pas de le saluer quand par hasard il le rencontrait sur son passage. « Quand je vous disais, répétait-il au matelot, que cet animal savait écrire. » On ne répliqua rien à cette observation, et Bell lui-même, le charpentier, eût été fort embarrassé d'y répondre. Cependant, il fut constant pour chacun que, à défaut du capitaine, son ombre ou son esprit veillait à bord. Les plus sages se gardèrent désormais d'échanger entre eux leurs suppositions. Le 1er mai, à midi, l'observation donna 68 degrés pour la latitude et 56 degrés 32 minutes pour la longitude. La température s'était relevée et le thermomètre marquait 25 degrés au-dessus de zéro, moins 4 degrés centigrades. Le docteur put s'amuser à suivre les ébats d'une ours blanche et de deux oursons sur le bord d'un pack qui prolongeait la terre. Accompagné de Hall et de Simpson, il essaya de lui donner la chasse dans le canot. Mais l'animal, d'humeur peu belliqueuse, entraîna rapidement sa progéniture avec lui et le docteur dut renoncer à le poursuivre. Le cap Shetley fut doublé pendant la nuit sous l'influence d'un vent favorable et bientôt les hautes montagnes de Disko se dressèrent à l'horizon. La baie de Godhavn, résidence du gouverneur général des établissements danois, fut laissée sur la droite. Shandon ne jugea pas à propos de s'arrêter et dépassa bientôt les pirogues d'Esquimaux qui cherchaient à l'atteindre. L'île Disko porte également le nom d'île de la baleine. C'est de ce point que le 12 juillet 1845, Sir John Franklin écrivit pour la dernière fois à l'amirauté, et c'est à cette île aussi que, le 27 août 1859, le capitaine McClintock toucha à son retour, rapportant les preuves trop certaines de la perte de cette expédition. La coïncidence de ces deux faits devait être remarquée par le docteur. Ce triste rapprochement était fécond en souvenirs, mais bientôt les hauteurs de Disko disparurent à ses yeux. Il y avait alors de nombreux icebergs sur les côtes, de ceux que les plus forts dégels ne parviennent pas à détacher. Cette suite continue de crêtes se prêtait aux formes les plus étranges. Le lendemain, vers les 3 heures, on releva au nord-est Sanderson Hope. La terre fut laissée à une distance de 15 miles sur tribord. Les montagnes paraissaient teintes d'un bistre rougeâtre. Pendant la soirée, plusieurs baleines de l'espèce des Finners, qui ont des nageoires sur le dos, vinrent se jouer au milieu des trains de glace, rejetant l'air et l'eau par leurs évents. Ce fut pendant la nuit du 3 au 4 mai que le docteur put voir pour la première fois le soleil raser le bord de l'horizon sans y plonger son disque lumineux. Depuis le 31 janvier, ses orbes s'allongeaient chaque jour. Il régnait maintenant une clarté continuelle. Pour des spectateurs inhabitués, cette persistance du jour est sans cesse un sujet d'étonnement, et même de fatigue. On ne saurait croire à quel point l'obscurité de la nuit est nécessaire à la santé des yeux. Le docteur éprouvait une douleur véritable pour se faire à cette lumière continue, rendue plus mordante encore par la réflexion des rayons sur les plaines de glace. Le 5 mai, le Forward dépassa le 72e parallèle. 2 mois plus tard, il eut rencontré de nombreux baleiniers se livrant à la pêche sous ces latitudes élevées. Mais le détroit n'était pas encore assez libre pour permettre à ses bâtiments de pénétrer dans la mer de Baffin. Le lendemain, le Brick, après avoir dépassé l'île des Femmes, arriva en vue du Pernavik, l'établissement le plus septentrional que possède le Danemark sur ses côtes. Chapitre 10. Périlleuse navigation. Shandon, le docteur Clawbonny, Johnson, Fokker et Strong, le cuisinier, descendirent dans la baleinière et se rendirent au rivage. Le gouverneur, sa femme et ses 5 enfants, tous de race esquimaux, vinrent poliment au-devant des visiteurs. Le docteur, en sa qualité de philologue, possédait un peu de danois qui suffit à établir des relations fort amicales. D'ailleurs, Fokker, interprète de l'expédition, en même temps qu'Eismeister, savait 20 mots de la langue groenlandaise. Et avec 20 mots, on va loin, si l'on n'est pas ambitieux. Le gouverneur est né à l'île Disko et n'a jamais quitté son pays natal. Il fit les honneurs de sa ville, qui se compose de 3 maisons de bois pour lui et le ministre luthérien, d'une école et de magasins dont les navires naufragés se chargent de faire l'approvisionnement. Le reste consiste en huttes de neige, dans lesquelles les Esquimaux entrent en rampant par une ouverture unique. Une grande partie de la population s'était portée au-devant du Forward et plus d'un naturel s'avança jusqu'au milieu de la baie de son kayak, long de 15 pieds et large de 2 de plus. Le docteur savait que le mot « Esquimau » signifie « mangeur de poissons crus ». Mais il savait aussi que ce nom est considéré comme une injure dans le pays. Aussi ne fit-il pas faute de traiter les habitants de « Groenlandais ». Et cependant, à leurs vêtements huileux de peau de phoque, à leurs bottes de même nature, à tout cet ensemble graisseux et infect qui ne permet pas de distinguer les hommes des femmes, il était facile de reconnaître de quelle nourriture ces gens-là faisaient usage. D'ailleurs, comme chez tous les peuples ichtyophages, la lèpre les rongeait en partie, mais ils ne s'en portaient pas plus mal pour cela. Le ministre luthérien et sa femme, avec lesquels le docteur se promettait de causer plus spécialement, se trouvaient en tournée du côté de Proven, au sud du Pernavik. Il fut donc réduit à s'entretenir avec le gouverneur. Ce premier magistrat ne paraissait pas fort lettré. Un peu moins, c'était un âne. Un peu plus, il savait lire. Cependant, le docteur l'interrogea sur le commerce, les habitudes, les mœurs des Esquimaux. Et il apprit dans la langue des gestes que les phoques valaient environ 40 livres rendus à Copenhague. Une peau d'ours se payait $40 danois, une peau de renard bleu, 4, et de renard blanc, $2 ou $3. Le docteur voulut aussi, dans le but de compléter son instruction personnelle, visiter une hutte d'Esquimaux. On ne se figure pas de quoi est capable un savant qui veut savoir. Heureusement, l'ouverture de ces cahutes était trop étroite, et l'enragé ne put y passer. Il échappa belle, car rien de plus repoussant que cet entassement de choses mortes ou vivantes, viande de phoque ou chair d'Esquimaux, poissons pourris et vêtements infects, qui meublent une cabane groenlandaise. Pas une fenêtre pour renouveler cet air irrespirable, un trou seulement au sommet de la hutte qui livre passage à la fumée mais ne permet pas à la puanteur de sortir. Fokker donna ces détails au docteur, et ce digne savant n'en maudit pas moins sa corpulence. il eût voulu juger par lui-même de ses émanations sui generis. « Je suis sûr, dit-il, que l'on s'y fait à la longue. » « À la longue, pas d'un seul mot, le digne Claoboni. » Pendant les études ethnographiques de ce dernier, Shandon s'occupait, suivant ses instructions, de se procurer des moyens de transport sur les glaces. Il dut payer 4 livres, un traîneau et 6 chiens, et encore les naturels firent des difficultés pour s'en dessaisir. Shandon eût également voulu engager Hans Christian, l'habile conducteur de chiens qui fit partie de l'expédition du capitaine McClintock, mais ce Hans se trouvait alors dans le Groenland méridional. Vint alors la grande question à l'ordre du jour. Se trouvait-il à Upernavik un Européen attendant le passage du Forward ? Le gouverneur avait-il connaissance de ce fait qu'un étranger, vraisemblablement un Anglais, se fût fixé dans ces parages ? À quelle époque remontaient ces dernières relations avec des navires baleiniers ou autres ? À ces questions, le gouverneur répondit que pas un étranger n'avait débarqué sur cette partie de la côte depuis plus de 10 mois. Shandon se fit donner les noms des baleiniers arrivés en dernier lieu. Il n'en reconnut aucun, c'était désespérant. « Vous m'avouerez, docteur, que c'est à n'y rien comprendre, » dit-il à son compagnon. « Rien au Cap Farewell, rien à l'île Disco, rien à Upernavik. Répétez-moi encore dans quelques jours, rien à la baie de Melville, mon cher Shandon, et je vous saluerai comme l'unique capitaine du Forward. » La baleinière revint au brick vers le soir en ramenant les visiteurs. Strong, en fait d'aliments nouveaux, s'était procuré plusieurs douzaines d'œufs d'Eiderdux, 2 fois gros comme des œufs de poule et d'une couleur verdâtre. C'était peu, mais enfin très rafraîchissant pour un équipage soumis au régime de la viande salée. Le vent devint favorable le lendemain, et cependant Shandon n'ordonna pas l'appareillage. Il voulut attendre un jour, et par acquit de conscience, laisser le temps à tout être quelconque appartenant à la race humaine de rejoindre le Forward. Il fit même tirer d'heure en heure la pièce de 16 qui tenait avec fracas au milieu des icebergs, mais il n'est réussi qu'à épouvanter des nuées de Mollymox et de Roches. Pendant la nuit, plusieurs fusées furent lancées dans l'air, mais en vain. Il fallut se décider à partir. Le 8 mai, à 6 heures du matin, le Forward, sous ses huniers, sa misaine et son grand perroquet, perdait de vue l'établissement du Upernavik et ses perches hideuses auxquelles pendent le long du rivage des intestins de phoque et des panses de daim. Le vent soufflait du sud-est et la température remonta à 32 degrés, 0 centigrade. Le soleil perçait le brouillard et les glaces se desserraient un peu sous son action dissolvante. Cependant, la réflexion de ces rayons blancs produisit un effet fâcheux sur la vue de plusieurs hommes de l'équipage. Volsten, l'armurier, Gripper, Clifton et Bell furent atteints de snow blindness, sorte de maladie des yeux très commune au printemps et qui détermine chez les Esquimaux de nombreux cas de cécité. Le docteur conseilla aux malades en particulier et à tous ses compagnons en général de se couvrir la figure d'un voile de gaze verte. Il fut le premier lui-même à suivre sa propre ordonnance. Les chiens achetés par Shandon à Upernavik étaient d'une nature assez sauvage. Cependant, ils s'acclimatèrent à bord et Captain ne prit pas trop mal avec ses nouveaux camarades. Ils semblaient connaître leurs habitudes. Clifton ne fut pas le dernier à faire cette remarque que Captain devait avoir eu déjà des rapports avec ses congénères du Groenland. Ceux-ci, toujours affamés et réduits à une nourriture incomplète à terre, ne pensaient qu'à se refaire avec le régime du bord. Le 9 mai, le Forward rasa à quelques encablures la plus occidentale des îles Baffin. Le docteur remarqua plusieurs roches de la baie entre les îles et la terre, de celles que l'on nomme Crimson Cliffs. Elles étaient recouvertes d'une neige rouge comme du beau carmin, à laquelle le docteur Kane donne une origine purement végétale. Claoboni eût voulu considérer de plus près ce singulier phénomène, mais la glace ne permit pas de s'approcher de la côte. Quoique la température tendît à s'élever, il était facile de voir que les icebergs et les ice streams s'accumulaient vers le nord de la mer de Baffin. Depuis Upernavik, la terre offrait un aspect différent et d'immenses glaciers se profilaient à l'horizon sur un ciel grisâtre. Le 10, le Forward laissait sur la droite la baie de Hingstones, près du 74e degré de latitude. Le canal de Lancaster s'ouvrait dans la mer à plusieurs centaines de miles dans l'ouest. mais alors cette immense étendue d'eau disparaissait sous de vastes champs, sur lesquels s'élevaient des hummocks réguliers comme la cristallisation d'une même substance. Shandon fit allumer ses fourneaux et jusqu'au 11 mai, le Forward serpenta dans les pertuis sinueux, traçant avec sa noire fumée sur le ciel la route qu'il suivait sur la mer. Mais de nouveaux obstacles ne tardèrent pas à se présenter. Les passes se fermaient par suite de l'incessant déplacement des masses flottantes. L'eau menaçait à chaque instant de manquer devant la proue du Forward, et s'il venait à être nipped, il lui serait difficile de s'en tirer. Chacun le savait, chacun y pensait. Aussi, à bord de ce navire sans but, sans destination connue, qui cherchait follement à s'élever vers le nord, quelques symptômes d'hésitation se manifestèrent. Parmi ces gens habitués à une existence de danger, beaucoup, oubliant les avantages offerts, regrettaient de s'être aventurés si loin. Il régnait déjà dans les esprits une certaine démoralisation, accrue encore par les frayeurs de Clifton et les propos de deux ou trois meneurs tels que Penn, Gripper, Warren et Wolsten. Aux inquiétudes morales de l'équipage se joignaient alors des fatigues accablantes, car le 12 mai, le brick se trouvait enfermé de toutes parts. Sa vapeur était impuissante. Il fallut s'ouvrir un chemin à travers les champs de glace. La manœuvre des scies était fort pénible dans ces floes, qui mesuraient jusqu'à 6 ou 7 pieds d'épaisseur. Lorsque deux entailles parallèles divisaient la glace sur une longueur d'une centaine de pieds, il fallait casser la partie intérieure à coups de hache et d'anspect. Alors, on élongeait des ancres fixées dans un trou fait au moyen d'une grosse tarière. Puis la manœuvre du cabestan commençait et on halait le navire à bras. La plus grande difficulté consistait à faire rentrer sous les floes les morceaux brisés, afin de livrer passage au bâtiment, et l'on devait les repousser au moyen de pôles, longues perches munies d'une pointe en fer. Enfin, manœuvre de la scie, manœuvre du halage, manœuvre du cabestan, manœuvre des pôles, manœuvres incessantes, obligées, périlleuses, au milieu du brouillard ou des neiges épaisses, température relativement basse, souffrances ophtalmologiques, inquiétudes morales, tout contribuait à affaiblir l'équipage du Forward et à réagir sur son imagination. Lorsque les matelots ont affaire à un homme énergique, audacieux, convaincu, qui sait ce qu'il veut, où il va, à quel but il tend, la confiance les soutient en dépit d'eux-mêmes. Ils sont unis de cœur avec leur chef, forts de sa propre force et tranquilles de sa propre tranquillité. Mais, à bord du brick, on sentait que le commandant n'était pas rassuré, qu'il hésitait devant ce but et cette destination inconnue. Malgré l'énergie de son caractère, sa défaillance se traduisait à son insu par des changements d'ordre, des manœuvres incomplètes, des réflexions intempestives, 1000 détails qui ne pouvaient échapper à son équipage. Et puis Shandon n'était pas le capitaine du navire, le maître après Dieu. Raison suffisante pour qu'on en arrivât à discuter ses ordres. Hors de la discussion au refus d'obéir, le pas est rapidement franchi. Les mécontents rallièrent bientôt à leurs idées le premier ingénieur, qui jusqu'ici restait esclave du devoir. Le 16 mai, 6 jours après l'arrivée du Forward à la banquise, Shandon n'avait pas gagné 2 miles dans le nord. On était menacé d'être pris par les glaces jusqu'à la saison prochaine. Cela devenait fort grave. Vers les 8 heures du soir, Shandon et le docteur, accompagnés du matelot Gary, allèrent à la découverte au milieu des plaines immenses. Ils eurent soin de ne pas trop s'éloigner du navire, car il devenait difficile de se créer des points de repère dans ces solitudes blanches, dont les aspects changeaient incessamment. La réfraction produisait d'étranges effets. Le docteur en demeurait étonné. Là où il croyait n'avoir qu'un saut d'un pied à faire, c'était 5 ou 6 pieds à franchir. Ou bien le contraire arrivait. Et dans les 2 cas, le résultat était une chute, sinon dangereuse, du moins fort pénible, sur ces éclats de glace durs et acérés comme du verre. Shandon et ses 2 compagnons allaient à la recherche de passes praticables. À 3 miles du navire, ils parvinrent, non sans peine, à gravir un iceberg qui pouvait mesurer 300 pieds de hauteur. De là, leur vue s'étendit sur cet amas désolé, semblable aux ruines d'une ville gigantesque, avec ses obélisques abattus, ses clochers renversés, ses palais culbutés tout d'une pièce. Un véritable chaos. Le soleil traînait péniblement ses orbes autour d'un horizon hérissé et jetait de longs rayons obliques d'une lumière sans chaleur, comme si des substances altermanes se fussent placées entre lui et ce triste pays. La mer paraissait entièrement prise jusqu'aux limites les plus reculées du regard. « Comment passerons-nous ? » dit le docteur. « Je l'ignore, » répondit Shandon. « Mais nous passerons, dût-on employer la poudre à faire sauter ces montagnes. Je ne me laisserai certainement pas saisir par les glaces jusqu'au printemps prochain. » Comme cela, cependant, arriva au Fox, à peu près dans ces parages. « Bah, fit le docteur, nous passerons, avec un peu de philosophie. Vous verrez, cela vaut toutes les machines du monde. » « Il faut avouer, répondit Shandon, que cette année ne se présente pas sous une apparence favorable. » « Cela n'est pas contestable, Shandon, et je remarque que la mer de Baffin tend à se retrouver dans l'état où elle était avant 1817. « Est-ce que vous pensez, docteur, que ce qui est maintenant n'a pas toujours été ?»« Non, mon cher Shandon, il y a de temps en temps de vastes débâcles que les savants n'expliquent guère. Ainsi, jusqu'en 1817, cette mer demeura constamment obstruée lorsqu'un immense cataclysme eut lieu et rejeta dans l'océan ses icebergs, dont la plus grande partie vint s'échouer sur le banc de Terre-Neuve. À partir de ce moment, la baie de Baffin fut à peu près libre et devint le rendez-vous de nombreux baleiniers. Ainsi, demanda Shandon, depuis cette époque, les voyages au nord furent plus faciles ? Incomparablement, mais on remarque que depuis quelques années, la baie tend à se reprendre encore et menace de se fermer, pour longtemps peut-être, aux investigations des navigateurs. Raison de plus, donc, pour pousser aussi avant qu'il nous sera possible. Et cependant, nous avons un peu l'air de gens qui s'avancent dans des galeries inconnues, dont les portes se referment sans cesse derrière eux. « Me conseilleriez-vous de reculer ? » demanda Shandon, en essayant de lire au plus profond des yeux du docteur. « Moi, je n'ai jamais su mettre un pied derrière l'autre, et dût-on ne jamais revenir, je dis qu'il faut marcher. Cependant, je tiens à établir que si nous faisons des imprudences, nous savons parfaitement à quoi nous nous exposons. « Et vous, Gary, qu'en pensez-vous ? » demanda Shandon au matelot. « Moi, commandant, j'irai tout droit. Je pense comme Monsieur Clawbonny. D'ailleurs, vous ferez ce qu'il vous plaira. Commandez, nous obéirons. » « Tous ne parlent pas comme vous, Gary, » répondit Shandon. « Tous ne sont pas d'humeur à obéir, et s'ils refusent d'exécuter mes ordres ?»« Je vous ai donné mon avis, commandant. » répliqua Gary d'un air froid, « parce que vous me l'avez demandé, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. » Shandon ne répondit pas, il examina attentivement l'horizon et redescendit avec ses deux compagnons sur le champ de glace.